je m'enfonce dans ma vie. Plus je ne peux que constater qu'au vent léger de mes folies, je n'ai pas vu le temps passer. Entre les draps de la jeunesse, quand je dormais à poing fermé, à l'horloge de mes faiblesses, je n'ai pas vu le temps passer. Je n'ai pas vu le temps courir, je n'ai pas entendu sonner les heures de mon devenir. Quand je fonçais tête baissée vers ce qu'était un avenir et qui est déjà du passé. Aux mille questions que se posent, mon esprit souvent perturbé, seule une réponse s'impose. Je n'ai pas vu le temps passer. À faire le tour de moi-même dans un rayon très limité, dans le miroir de mes je t'aime, je n'ai pas vu le temps passer. Et d'ouverture en ouverture, au tempo des amours pressés, j'ai dû sauter quelques mesures, je n'ai pas vu le temps passer. Quand je rêvais les yeux ouverts, en pensant que j'avais le temps, je n'ai pas entrepris le tiers des choses dont je parlais tant. Et j'ai vu s'installer l'hiver dans la folie de mes 20 ans. Et puis soudain la cinquantaine, le demi-siècle consommé, à la table de mes fredaines, au moment où les jeux sont faits, que tous mes atouts sont jetés.